Yo, yo, yo, Verso, c'est bon, freestyle 2011, plaque, écoute ça, ha. Rappeur indépendant et ce n'est pas négociable. Chez tes tués ça casse les couilles comme quand t'es gauchal. Nique ce que les autres disent, fais-toi ta propre idée. Si ça part de notre zig, c'est qu'ils veulent se l'approprier. On sait garder le rythme pour faire bouger la tête. Le rap c'est du sport, appelle-moi Saibon la tête. Ou appelle-moi, appelle-moi pour animer ta fête. Pour réanimer l'affaire, on taffe des métaphores parfaites. Des rimes bien étudiées, comme un flingue ça tue. Moi je continue de crier jusqu'à ce que les enceintes saturent. Tant que le son tourne, je rappe et ça m'évade. Saibon passe le big up, pas Jilal, c'est ça le message. T'inquiète, on remet ça, je vais pas rater l'occasion. Car je ne sais que rapper, éloquent mais très loquace. T'as pas fini de nous entendre, ça rappe dans le morbihan. On a encore mis dans le mille en torpillant. Ça rappe dans le morbihan. Ça rappe dans le morbihan. Featuring Saibon. C'est dans un fond caché que moi rime s'est rangé. Combattant pour la paix, militant dans le respect. Militant dans le noir, Palestine, garde espoir. Espérant bientôt voir un libre territoire. Chaque soir je médite sur ce monde qui s'effrite. Tel un morceau de chiche qui se consume trop vite. J'suis qu'un libre sujet pour un sujet, j'ai libre. J'suis qu'un libre penseur pour une pensée, c'est libre. Qu'un simple rappeur pour une planète net libre. Libéré de leur matériel, libéré de leur oseille. J'te livre vos oreilles de l'ensemble malsaine. J'enraye les systèmes, balaye toute leur haine. C'est pour les black, blancs, beurre, black ou arabe, porteur, c'est pour les coachs. J'ai des hurricanes car